Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones pour les amateurs de rock progressif. L'émission d'aujourd'hui, c'est la 115e et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation du choix musical et de la mise en onde avec la collaboration à chaque semaine de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette qui me font la gentillesse d'envoyer des commentaires sur les émissions précédentes. Et j'ai aussi des commentaires cette semaine de Michel Vandal, entre autres, de Montréal. Et je remercie aussi les auditeurs qui ont eu la délicatesse d'envoyer les souhaits de joyeux anniversaire à l'émission, puisque nous fêtons aujourd'hui notre troisième anniversaire. On parle ici de 115 émissions. Au-dessus de 1000 chansons ou pièces différentes, avec peut-être une trentaine sur les 3 ans qui ont passé plus d'une fois. Alors, c'est une mission qu'on se doit de répéter pour les prochaines années et ce qu'on peut se souhaiter, c'est de la bonne musique. Et on en a aujourd'hui encore avec 1912 d'Angleterre, une nouveauté. On a Equilibrium du Brésil. On a After Crying de Hongrie, Apogee d'Allemagne, Hail Spirit Noir de Grèce, Jack Foster III des États-Unis. On a un collectif aussi de Hopper, Picard, Franklin et Hayward d'Angleterre. On a le claviériste de Dream Theater, Jordan Rudess des États-Unis. Et à la fin de l'émission, on aura au palmarès Rock de Neurones, Banco del Mutuo Socorso en 11e position du palmarès. Et ça sera suivi en concluant avec Jethro Tull, Thick as a Brick, la face A, qui est en position 12 du palmarès Rock de Neurones. On débute donc l'émission avec la formation britannique 1912, une formation récente qui ont 3 albums de facture numérique. Je ne crois pas qu'il y ait de CD physique de ce groupe-là. Alors, on va entendre une pièce qui est extraite du dernier album New World Order. En fait, c'est la pièce titre qu'on va entendre. Ça va être suivi de Equilibrium, qui est une formation du Brésil. Et c'est extrait d'une compilation de... en fait, c'est Prog Stravaganza. Ça, c'est un organisme de Serbie qui est produit à l'occasion une compilation pour les groupes émergents. On retrouve en général pas d'albums pour ces groupes-là, puisque ce sont des nouveaux groupes. Et Prog Stravaganza leur donne une chance pour se démarquer. Et on conclura le bloc avec une formation de Hongrie. C'est After Crying, After Crying et la pièce Judas. Et c'est extrait de l'album Live 25.

beborít és kong a magány, az a szürke harang. Oda húz, hol semmi se él, nevemen szólít a sötét, puha távoli hang. Venez d'entendre la formation hongroise After Crying avec la pièce Judas, et c'est extrait de l'album live qui est paru en 2013. L'album s'intitule 25 en chiffre romain XXV. Ça a été précédé d'une formation brésilienne Equilibrium, et auparavant, en entrée de bloc, nous avons entendu 1912, formation britannique, avec la pièce New World Order. Après la pause, Apogee et Hail Spirit Noir. Le deuxième bloc de l'émission avec un multi-instrumentiste allemand du nom de Arne Schaeffer, et il opère sous le nom de Apogee. On lui connaît 8 albums studio, dont le plus récent cet automne, The Art of Mine, et on va entendre la pièce-titre de cet album-là, et vous allez entendre par la suite une formation grecque, Hail Spirit Noir, qui est une formation avec 2 albums studio. Le dernier s'intitule Oi Magoi et c'est paru en 2014. Et on va entendre la pièce The Mermaid. Alors voici Apogee et Hail Spirit Noir. Thank you. promising relief from eternal longing for undefined desires. Thank you. to know that all the painful stresses and strains were never in vain. There'll be substantial reward to relieve us from the pain. The order defined by our minds reflects our world and characteristic footprint and rhyme, which certainly leaves its mark and may ignite a new spark. We'll be right back. Jason Hayes, master of the killing arts. Lurking in the crystalline haze, master of the killing arts. We'll be right back. Alors, vous venez d'entendre la formation grecque Hail Spirit Noir, et c'est la pièce The Mermaid, et c'est extrait du deuxième album du groupe qui est paru en 2014, Oi Magoi. Et ça a été précédé par Apogee, le multi-instrumentiste allemand, avec la pièce-titre de l'album The Art of Mind qui est paru tôt cet automne. Après la pause, Jack Foster III, un collectif Hopper, Pika, Franklin et Hayward, et Jordan Rudess. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission et on débute ça avec un groupe britannique. En fait, un groupe américain, Jack Foster III, qui on connaît pour 5 albums studio. Et le plus récent, c'est date déjà de 2 ans. L'album s'intitule Applejack Magic et on va entendre la pièce Guinevere's Dead. Et ensuite de ça, on va entendre un collectif de musiciens assez chevronnés. On parle ici de Hugh Hopper en particulier, qui est l'ancien bassiste de la formation Soft Machine et qui a une carrière après Soft Machine assez prolifique. On lui connaît 12 albums studio avec des collaborations un peu partout et puis c'est plus dans la facture jazz fusion. Et ce qu'on va entendre, c'est l'avant-dernier album Numéro de vol. Ça a été paru en 2007. On sait qu'il est décédé depuis 2009. Alors, ça a été son avant-dernier album avant de décéder. Et il s'est adjoint les services à ce moment-là d'un saxophoniste du nom de Simon Picard. On a aussi Charles Hayward et un ancien confrère au clavier de Steve Franklin qui a participé avec lui à la formation Soft Machine. Alors, ce qu'on va entendre, c'est la pièce Twilight, qui est extrait de Numéro de vol. Et en fin de bloc, on va entendre Jordan Rudess, qui est en fait le claviériste de Dream Theater, qui lui aussi a une carrière solo en parallèle. Il a déjà 13 albums studio à son actif, et entre 1993 et 2015. Ce qu'on va entendre, c'est extrait d'un album paru en 2007. L'album s'intitule « The Road Home » et on va entendre un piano, un medley piano de Jordan Rudess qui revisite un peu les classiques là, des années, début des années 70, fin 60 et début 70. On va reconnaître quelques pièces là, de King Crimson et Genesis aussi, mais il est seul au piano pour cette pièce-là. Donc, Jack Foster III, Hopper, Picard, Franklin Hayward et Jordan Rudess. Years removed from her essence. She was golden, she was magic, she was mine. She had everything but the time in our world. Guinevere's dead. My thoughts, they are scattered and blown by the wind. They don't really stick anymore. I'm lost. locked somewhere inward, alone with my head, standing in front of the door, frozen in front of the door. Guinevere's dead. I'm lost in the world with nothing to find. I'm out of my head, alone in my mind. Cause Guinevere's dead. Guinevere's dead. Arched-backed ecstasy glows in the shadows of mind, lighting my path to escape. But my grip, it is slipping. Will my head on its keep? What happened to my yesterday? I'm lost in the world with nothing to find. I'm out of my head, alone in my mind. Cause Guinevere's dead. Guinevere's dead. And dust back to dust, but that really don't tell the whole tale. Cause ashes and dust aren't so easy to touch. They slip through your hands, no avail. I look for some meaning, some purpose, some truth, some lining of silver to hold. Up empty, I'm left feeling so numb. Cause the light has gone out in the cold. The light has gone out and I'm cold. We'll be right back. said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind, my words are all carried away. I talk to the wind, the wind does not hear. Cannot hear. I'm on the outside, looking inside. What do I see? Much confusion, disillusion. Talk to the wind, my words are all carried away. I talk to the wind, the wind does not Venez d'entendre le claviériste de Dream Theater, Jordan Rudess, avec la pièce Medley for Piano. C'est tiré de l'album The Road Home. C'est paru en 2007. Ça a été précédé de Hopper, Picard, Franklin et Hayward avec la pièce Twilight, tiré de l'album Numéro de vol, paru en 2007. Et en début de bloc, on a entendu la formation américaine Jack Foster Tree avec Guinevere's Dead et c'est tiré de Applejack Magic. Après la pause, nous aurons la position 11 du palmarès de Rock de Neuron avec Banco del Mutuo Soccorso et on conclura l'émission avec Thick as a Brick, la face A, comme position 12 du palmarès. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au dernier bloc de cette 115e émission de Rock de Neurones avec la position 11 du palmarès Rock de Neurones avec Banco del Mutuo Soccorso. Et c'est l'album qui est paru en 1973 qu'on retrouve à peu près dans tous les palmarès. L'album s'intitule Io Sono Nato Libero. C'est le deuxième album du groupe. Et en passant, je salue Gilles Pelletier de Québec qui cet été m'a fait un très beau cadeau en me donnant la version vinyle First Pressing de cet album-là que je regarde soigneusement. Et c'est un disque qu'il avait acheté suite à mes recommandations. On parle ici de 1973. Alors, je salue Gilles bien solennellement. Alors, on va enchaîner après avec la position 12 du palmarès Rock de Neurones avec Jethro Tull, Thick as a Brick, face A. Alors, aussi en début, Banco del Mutuo Soccorso avec la pièce Dopo Niente e più lo stesso. Le madri fiere avvolte dentro allora è viva la mia gente, vive, vive! Comincia da questo fango. really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness is shouting. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. Thank you. shadows on the water as the sun plays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenary's creed. The home fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is far away. The forest is stamping, the warm breath clouding in the sharp and frosty morning of the day. And the poet lifts his pen while the soldier sheathes his sword. And the youngest of the family is moving with authority, a building castles by the sea. He dares the tardy tide to watch them all aside. And the poet sheathes his pen was a fun as you smile at everyone. You meet the stairs, you're unaware that your doings aren't done. And you laugh most ruthlessly as you tell us what not to be. But how are we supposed to see where we should run? That all